إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nous voici une nouvelle fois réunis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'étude de l'épître du noble savant Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah. Et nous avions cité dans notre dernière assise certains des nombreux sujets importants tirés du deuxième hadith cité par l'auteur, le hadith connu sous le nom de hadith de Jibril alayhi salam. Et nous étions donc arrivés à la mas'ala al-ashira, le sujet numéro 10, qui est la citation de la foi et de ses piliers. En commençant par le premier et le plus important, et la base de ces six piliers, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, an tu'mina billahi. La foi en Allah qui englobe plusieurs points. Premièrement, la croyance en son unicité subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, c'est-à-dire qu'il est subhanahu wa ta'ala l'unique, qui n'a pas d'associé subhanahu wa ta'ala dans ses actes, comme la création, la pourvoyance, le fait d'accorder la vie ou la mort, le fait de gérer tout l'univers et autres, parmi ceux qui se réfèrent à sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le fait de croire en son unicité subhanahu wa ta'ala dans la divinité, c'est-à-dire l'unifier subhanahu wa ta'ala de par les actes de ses serviteurs. Dans le premier point, on l'unifie subhanahu wa ta'ala de par ses actes. Deuxième point, l'unifier subhanahu wa ta'ala de par les actes des serviteurs, comme l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, la demande d'aide, de secours et autres parmi les actes d'adoration qu'il est obligé de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Troisièmement, son unicité subhanahu wa ta'ala dans la perfection, c'est-à-dire dans ses noms et attributs subhanahu wa ta'ala. Cela en lui affirmant tout ce qui s'est affirmé subhanahu wa ta'ala ou lui a affirmé son messager sallallahu alayhi wa sallam comme nom et attribut, d'une manière qui sied à sa perfection subhanahu wa ta'ala et à sa majesté. Sans chercher le comment, sans le comparer à ses créatures ou changer leur sens, ou bien donner une fausse interprétation ou bien les nier. Cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après l'essence du verset, « Rien ne lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. » Rien ne lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. Surat Ash-Shura, verset numéro 11. Donc en réunissant entre l'affirmation, comme dans sa parole, « Il est l'audient, le clairvoyant » et la négation, l'exemptation de tout défaut ou de ressemblance à ses créatures. Dans sa parole, rien ne lui ressemble. Donc nous disons, et nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une ouïe, qu'il a une vue subhanahu wa ta'ala parfaite, mais en aucun cas comme celle de ses créatures. Rien ne lui ressemble, et il est l'audient, le clairvoyant. Et cela sera ainsi pour le reste de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Donc nous affirmons, en faisant une exemptation, en niant toute ressemblance ou tout défaut à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il y a entre eux. Adore-le donc, et aie de l'endurance dans son adoration. Lui connais-tu un semblable ? Surat Maryam, verset numéro 65. Donc dans ce verset, nous avons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les trois formes d'unicité à travers lesquelles le musulman concrétise la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. Donc, le seul à avoir subhanahu wa ta'ala les actes de la seigneurie, la gestion de l'univers, accorder la vie, accorder la mort, la pourvoyance et tout acte de la seigneurie. Adore-le donc et aie de l'endurance dans son adoration. Donc il est le seul subhanahu wa ta'ala à mériter toute forme d'adoration. Lui connais-tu un semblable ? Question qui a pour but une négation. Il n'a pas subhanahu wa ta'ala de semblable et il est le seul à avoir les attributs de perfection subhanahu wa ta'ala. Puis, quant au deuxième des piliers, qui est la foi aux anges. Wa malaikatihi. Alors il contient aussi plusieurs points. Premièrement, le fait de croire en leur existence, qu'ils sont des créatures parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. De croire en ceux dont le nom nous a été cité de manière particulière, comme Jibril, Mikaïl, Israfil, Malik ou autres. Et de croire au reste de manière générale, à savoir qu'ils sont un nombre indénombrable, comme rapporté de manière authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il entre dans la maison appelée Al-Bayt Al-Ma'mour, qui se trouve au septième cieux, tous les jours 70 000 anges qui n'y retournent pas, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, de croire de manière particulière en ceux dont le nom a été cité et de manière générale au reste des anges. Deuxièmement, de croire en leurs caractéristiques citées dans le Coran ou dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam de manière générale et de manière particulière lorsque cela a été détaillé. Comme parmi cela, le fait qu'ils soient créés de lumière, comme ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Les anges ont été créés de lumière ». Le fait de croire quant au fait qu'ils soient dotés d'ailes, comme cela est cité dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après l'essence du verset, « Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et a doté les anges de deux, trois ou quatre ailes. » Sourate Fatir, verset numéro 1. Ou plus, comme rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « J'ai vu Jibril à l'apparence sur laquelle il a été créé, doté de 600 ailes qui comblent l'horizon. » De croire qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala sans jamais le désobéir, comme l'a cité Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, d'après l'essence du verset, et ils accomplissent ce qui leur a été ordonné, et sa parole, et ils ne désobéissent pas à son ordre, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. De croire aussi à ce qui nous a été détaillé dans le Coran ou dans la Sunna, parmi leurs fonctions ou leurs actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a chargé d'accomplir. Comme le fait que certains soient chargés de descendre avec la révélation, ce qui est l'action de Jibril alayhi salam, ou bien que certains soient chargés d'ôter les âmes, qui est l'action de Malak al-Maout, et ses arwan, et ceux qui sont avec lui dans cela, que certains soient chargés de préserver et de garder les serviteurs par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que d'autres soient chargés d'écrire les actes des serviteurs, ou bien chargés de la pluie, ou autre. Comme certains sont chargés de rechercher les assises de science, pour les entourer, ou pour entourer ceux qui y participent de par leurs ailes, ou autres parmi leurs caractéristiques qui ont été rapportées de manière authentique du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de manière générale, il est obligatoire de croire et de rendre véridique en ce qui a été cité, de manière générale ou détaillée dans le Coran ou dans la Sunna, comme information concernant les anges, qui est le deuxième pilier de la foi. Puis, quant au troisième pilier, qui est la foi au livre, wa kutubihi, elle contient aussi plusieurs points. Premièrement, le fait de croire qu'ils proviennent réellement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, de croire en ceux dont nous connaissons le nom de manière particulière, comme le Coran, la Torah, l'Injil, l'Évangile, Suhuf Ibrahim, les feuillets de Ibrahim. Et quant à ceux dont nous ne connaissons pas le nom de manière particulière, alors nous y croyons de manière générale. Qu'il y a d'autres livres qui ont été descendus, dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité le nom, dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, de croire et rendre véridique ce que ces livres contiennent comme information. Comme toutes les informations qui n'ont pas été modifiées dans les livres précédents, et comme tout ce qui se trouve dans le Coran qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des livres. Quatrièmement, le fait d'œuvrer en fonction de ce que contient donc le dernier des livres, qui est le Coran, qui est venu abroger les livres précédents. Donc d'œuvrer avec ce qu'il contient comme jugement, qui n'a pas été abrogé, cela avec agrément, avec soumission, que l'on comprenne ou non la sagesse de cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet d'après le sens du verset, « Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas complètement jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge sur ce sur quoi ils divergent, puis qu'il n'ait aucune gêne dans leur poitrine concernant ton jugement, puis qu'ils s'y soumettent complètement. Donc le croyant œuvre avec ce que contient ces livres de manière à ce qu'ils soient agréés et soumis, qu'ils comprennent ou non la sagesse que ces livres, la sagesse que contient ces ordres venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, quant à la foi, au quatrième des piliers qui est la foi au messager, wa rusulihi, elle contient aussi plusieurs points. Premièrement, de croire que leur message provient réellement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque renie l'un d'entre eux, l'un des messagers, alors aura renié tous les messagers. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après le sens du verset, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Noé a démenti les messagers. Cela alors que il ne leur a été envoyé que Nuh alayhi salam. Car tous les messagers ont le même message. Donc celui qui renie un des messagers aura mécru en tous les messagers. Donc celui qui renie le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura aussi renié le message auquel il prétend croire, comme ceux qui se prétendent être des gens du livre et croire en Isa alayhi salam ou Moussa alayhi salam à titre d'exemple. Puis nous avons aussi le fait de croire au livre, au messager, dont le nom fut cité de manière particulière dans le Coran, comme les cinq messagers doués de haute résolution, Ulul Azmi min ar-Rusul, qui ont été cités dans le Coran, qui sont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa, Isa, wa Nuh alayhi salam. Et quant à ceux dont le nom n'a pas été cité, nous ne connaissons pas le nom, alors il est obligatoire d'y croire de manière générale. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après le sens du verset, nous avons certes envoyé des messagers avant toi, il y en a dont nous t'avons raconté le récit, et certains dont nous ne t'avons pas raconté le récit. Surat al-Ghafir, le pardonneur, verset 78. Troisièmement, de croire et rendre véridiques tous les propos et informations venant de leur part de manière authentique. Quatrièmement, le fait d'œuvrer en fonction de la législation du messager qui nous a été envoyé, en l'occurrence le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis, quant à la croyance au cinquième des piliers, qui est la foi au jour dernier, al-iman bil yawm al-akhir, elle comporte aussi plusieurs points. Premièrement, la croyance en la résurrection, al-ba'th, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera revivre les morts, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il sera soufflé dans la trompe pour la deuxième fois, et que les gens se tiendront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Deuxièmement, le fait de croire au jugement et à la rétribution de chacun selon les œuvres qu'il aura accomplies. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, quiconque vient avec une bonne action aura 10 fois son équivalent, et quiconque vient avec une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent, et ils ne subiront aucune injustice. Surat les prophètes, Al-Anbiya, verset numéro 48. Troisièmement, avec ce qui fait partie de la foi au jour dernier, le fait de croire au paradis et à l'enfer et en tout ce qui s'y trouve. Puis de croire de manière générale en tout ce qui se trouve après la mort, comme l'épreuve de la tombe, fitnatul qabr, wa adhabul qabri wa na'imi, et les châtiments et les délices de la tombe. Puis quant au sixième et dernier des piliers, qui est la foi au destin, qu'il soit favorable ou défavorable, contient aussi plusieurs points. Premièrement, la foi au destin, qui est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété toute chose. Qu'il a décrété subhanahu wa ta'ala toute chose selon ce qu'implique sa science et sa sagesse. Que cela concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ceux des créatures. Ce point, ce pilier, donc, a aussi plusieurs points. Le premier, qui est al-ilm, la science. C'est-à-dire, le fait de croire au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toute chose, passée, présente ou future, de manière générale ou détaillée, que cela concerne ses actes à lui, subhanahu wa ta'ala, ou ceux des créatures. Donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait une science qui englobe toute chose. Deuxièmement, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit cela dans la table gardée 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de ces deux premiers points, d'après le sens du verset? Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre? Certes, cela est dans un livre. Certes, cela est facile pour Allah. Sourate Al-Hajj, verset numéro 170. Donc, qu'Allah sait ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre. Certes, cela est dans un livre. Al-Ilm wa al-Kitab. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses et qu'il ait écrit tout cela dans la table gardée. Troisièmement, le fait de croire quant au fait que rien ne se produit dans les cieux et sur la terre, si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Mashi'a. Que cela se réfère à ses actes à lui-même subhanahu wa ta'ala ou à ceux de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, et ton Seigneur fait ce qu'il veut et il choisit. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, et si ton Seigneur aurait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc et ce qu'ils profèrent comme mensonge. Surat al-Baqarah. Laisse-les donc et ce qu'ils profèrent comme mensonge. Surat al-An'am. Quatrièmement, le fait de croire quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le créateur de toutes choses. Que ce soit leur essence, leurs caractéristiques ou leurs œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, et Allah est le créateur de toutes choses. Surat al-Zumar, verset numéro 62. Donc, al-ilmu, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-kitaba, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait écrit tout cela, al-mashi'a, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou al-khalq, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le créateur de toutes choses. Et les quatre points cités, concernant le qadar, le destin, ne veulent pas dire que la personne ou le serviteur n'a aucune volonté ou n'a aucune capacité à accomplir le bien ou le mal. Bien au contraire, les textes religieux montrent à plusieurs points qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à chaque créature une volonté à travers laquelle il peut faire ce qu'il veut et une capacité avec laquelle il peut faire ce qu'il veut. Mais cette volonté, cette capacité ne peut se produire qu'après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce point qui est le qadar viendra en détail dans le quatrième hadith qui est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud qui concerne le qadar, la foi au destin. Donc, voici les six piliers de la foi cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam auxquels il est obligé pour chacun de croire. Des piliers qui ont des mérites immenses pour quiconque concrétise chacun de ces piliers. Parmi ceux-là, nous avons ce que nous cite le noble cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah concernant les bénéfices que le croyant tire à travers la concrétisation de chacun de ces piliers de la foi. Il nous dit rahimahullah, premièrement concernant le premier des piliers qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, la foi en Allah, en ses noms et attributs, accorde au serviteur l'amour d'Allah et la conscience de sa grandeur, ce qui le pousse à accomplir ses ordres et à délaisser ses interdits. Et par cela se concrétise le bonheur parfait pour l'individu dans ce bas monde et dans le-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, quiconque, mâle ou femelle, accomplit des œuvres pieuses tout en étant croyant, donc ici, en premier lieu, croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, en son unicité, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous le récompenserons certainement en fonction des meilleurs de ses actions. Surat les abeilles, verset numéro 97. Et parmi les bénéfices de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que le serviteur concrétise son unicité subhanahu wa ta'ala, de par le fait qu'il ne s'accroche à personne d'autre que lui, ni dans la peur, ni dans l'espoir, et qu'il n'adore personne d'autre que lui subhanahu wa ta'ala. Quant au deuxième des piliers, qui est la foi aux anges, il nous dit, rahimahullah, parmi ses bénéfices, il y a que cela permet de connaître l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa force et son pouvoir. Car l'immensité des créatures, en l'occurrence ici des anges, découle de l'immensité du Créateur. Donc le fait de voir l'immensité des créatures qui sont les anges, en particulier ici, est un des points qui permettent de connaître l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il nous dit, rahimahullah, cela pousse à être reconnaissant envers Allah pour l'attention qu'il accorde aux enfants d'Adam, de par le fait qu'il est chargé des anges de protéger et s'occuper des enfants d'Adam, d'écrire leurs œuvres et autres parmi ceux qui leur profitent. Troisièmement, parmi les bénéfices de la foi aux anges, il nous dit, rahimahullah, le fait d'aimer les anges pour ce qu'ils accomplissent comme adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux bénéfices que le croyant tire à travers la croyance au livre, il nous dit, rahimahullah, premièrement, de connaître l'attention qu'Allah accorde à ses serviteurs du fait qu'il a fait descendre sur chaque peuple un livre à travers lequel il les guide. Deuxièmement, cela permet de voir la sagesse d'Allah dans ce qu'il légifère pour chaque communauté, car il a légiféré pour chaque communauté ce qui leur convient, ce qui convient à leur état. Il nous dit, d'après le sens du verset, « Et nous avons fait pour chaque communauté une législation et un chemin à suivre. » Surat al-Ma'ida, verset numéro 48. Puis il nous dit, rahimahullah, « Quant aux bénéfices découlant du quatrième pilier, qui est la foi au messager, nous avons plusieurs points. Premièrement, cela permet de connaître la miséricorde d'Allah envers ses créatures et l'attention qu'il leur porte par l'envoi des messagers qui les guident vers le droit chemin et leur montre comment l'adorer, subhanahu wa ta'ala, car ils n'auraient pu connaître cela de par leur seule raison. Et donc, deuxièmement, d'être reconnaissant envers Allah pour ce bienfait immense. Troisièmement, cela pousse à les aimer, les messagers, les immensifier, leur faire des éloges comme il convient, car ils sont les messagers d'Allah, et ils ont concrétisé son adoration, transmis son message, et ont fait preuve de bons conseils envers les serviteurs. Puis il nous dit, rahimahullah, quant au mérite découlant du cinquième pilier, qui est la foi au jour dernier, nous avons premièrement le désir d'accomplir les œuvres pieuses et d'être ardent dans cela, en espérant par cela la récompense de ce jour. Deuxièmement, le délaissement des actes de désobéissance par peur du châtiment de ce jour. Car celui qui croit en l'au-delà, qui a concrétisé ce pilier, a la certitude d'avoir ce jour-là la récompense ou le châtiment selon ses actes. Puis il nous dit, troisièmement, le fait que le croyant soit apaisé et soulagé quant à ce qui peut lui échapper comme part de ce bas monde, de par ce qu'il espère comme récompense et délire et délices dans l'au-delà. Et quant aux bénéfices découlant du sixième et dernier pilier, il nous dit, rahimahullah, premièrement, le fait de s'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala lors de l'accomplissement des causes, et de ne pas s'en remettre aux causes en elles-mêmes, car toute chose ne se fait que par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, que la personne ne soit pas prise d'autosatisfaction, al-ujb, lors de l'obtention de ce qu'elle souhaite, car cela est un bienfait provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce qu'il a décrété comme cause de bien et de réussite, et le fait donc d'être pris d'autosatisfaction, de ujb, va à l'encontre du fait d'être reconnaissant pour ce bienfait. Troisièmement, l'apaisement et le repos de l'âme quant à ce qu'il peut arriver comme décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant ne sera donc pas angoissé à cause d'une chose aimée qu'il perd ou à cause d'une chose détestable qui lui arrive, car il sait que tout cela provient du décret d'Allah qui détient la royauté des cieux et de la terre, et que cela devait se produire inévitablement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après le sens du verset, il n'y a aucun malheur sur terre ou sur vos propres âmes sans que cela ne soit inscrit dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et certes, cela est facile pour Allah, afin que vous ne vous tourmentiez point au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime pas tout présomptueux, plein de glorieux. Surat al-Hadid, le fer, verset numéro 22. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, étonnante est l'affaire du croyant, car toute son affaire est un bien. Et cela n'est que pour le croyant. S'il est touché par un bien, il est reconnaissant. Et cela est donc un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il patiente. Et cela est donc un bien pour lui. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc voici certains des mérites découlant de la concrétisation du deuxième degré de l'islam, qui est l'iman, la foi, et de ses piliers. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin qui soit favorable ou défavorable. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce, de nous compter parmi ses serviteurs croyants, de nous permettre subhanahu wa ta'ala de concrétiser ces piliers de la foi afin de profiter des immenses profits qu'ils contiennent dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et par la suite, le messager sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith le troisième degré, qui est la bienfaisance, al-ihsan, et certains des signes de la fin des temps, qui sera le sujet de notre prochain cours, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hada, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim, ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.